Robert se lève, entre dans la salle et descend au sous-sol pour téléphoner. Il est suivi par un étrange personnage tout en noir. Robert entre dans la cabine. Il essaie de mettre une pièce dans la fente de l'appareil, sans succès. Il sort de la cabine, il remonte dans la salle, il va à la caisse. Pour téléphoner, s'il vous plaît. Quoi, francs. Peux-je en avoir un, s'il vous plaît. Voilà, ça fait 2 francs. Merci. Robert redescend au sous-sol, entre dans la cabine, essaie encore, et cette fois, ça marche. Allô, Madame Courtois ? Non, la madame, elle n'est pas là. La madame, elle est sortie. Elle est allée pour une minute. Elle n'est pas rentrée. Elle va rentrer tout à l'heure, pour déjeuner. Rappeler vers midi et demi. Ah bon ? Merci. Merci beaucoup. Je vais rappeler dans une demi-heure. Au revoir, madame. Robert sort de la cabine. Toujours suivi par l'étrange homme en noir. Robert descend au sous-sol. Il est suivi par un étrange personnage tout en noir. Il est suivi. Il est suivi par un étrange personnage. Tout en noir. Qui est-ce qui suit Robert quand il descend téléphoner? Un étrange personnage, tout en noir. Robert entre dans la cabine. Il essaie de mettre une pièce dans la fente de l'appareil. Il essaie. Il essaie de mettre une pièce. Il essaie de mettre une pièce dans la fente de l'appareil. Dans la fente de l'appareil. Mais sans succès. Il essaie sans succès. Il faut un jeton. Il faut un jeton. Pourquoi Robert ne réussit-il pas à téléphoner? Parce qu'il n'a pas de jeton. Je peux en avoir un, s'il vous plaît? Je peux en avoir un? Je peux en avoir un, s'il vous plaît? Voilà, ça fait 2 francs. Voilà, ça fait 2 francs. Combien coûte un jeton? Deux francs. Allô, Madame Courtois? Ah non, monsieur. Elle n'est pas là. Non, monsieur, elle n'est pas là. Elle est allée promener Minouche. Elle est allée promener Minouche. Que fait Madame Courtois? Est-ce qu'elle est chez elle? Non, elle n'est pas là. Elle va rentrer tout à l'heure. Tout à l'heure. Elle va rentrer tout à l'heure. Pour déjeuner. Quand est-ce qu'elle va rentrer? Tout à l'heure pour déjeuner. Ah bon, merci. Je vais rappeler dans une demi-heure. Dans une demi-heure. Je vais rappeler. Je vais rappeler dans une demi-heure. Quand est-ce que Robert va rappeler ? Dans une demi-heure.